vous, les comics, ça ne parle que de super-héros. Vous pensez que la révolution américaine, la révolution, c'est soit à Cuba ou à Bastille. Et vous pensez aussi que le prochain maître du monde doit avoir une perruque. C'est obligé, on peut pas avoir des cheveux pareils. Bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous parle du monde du comics. Il y a personne qui suit, en fait. Ça, on te laisse faire, James. Bon, d'accord. Je voyais que t'avais du mal, alors je te laissais un peu. D'accord. Voilà, ouais. Donc, vous l'avez entendu, on a une petite nouvelle. Enfin, vous l'avez déjà entendu dans l'émission spéciale Dr. Horrible, mais cette fois, elle rejoint l'équipe officiellement. C'est Faye de l'Amicale du Geek, ma chère Faye. Bonjour Faye. Oui, bonjour messieurs, je suis très contente d'être ici, très honorée de vous rejoindre. Et avec nous, on a Mathieu, vous l'avez entendu aussi. Oui, salut, salut à tous. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts à... Est-ce que vous avez fait vos réserves de conserve et de sucre pour... C'est la guerre ce soir. Ce soir, c'est peut-être la guerre. Moi, demain, suivant qui passe, je vais faire mon abri anti-atomique. Hein. Donc vous l'aurez peut-être compris, on va faire une émission spéciale Amérique, encore un peu plus que d'habitude, puisque ce soir c'est les élections américaines, et peut-être que ce sera Donald Trump ou peut-être que ce sera Hillary Clinton. Et nous, on va vous parler de Rebels, un comics qui se passe pendant la guerre d'indépendance américaine. Donc voilà. Est-ce que... C'est typique, c'est dans le ton de ce qui se passe, ouais. C'est parfait. Mais moi, je suis déçu quand tu m'as dit que c'était Rebels, j'ai cru qu'on avait parlé de Star Wars et de Rogue One. Et non. Mais j'y ai pensé aussi, ouais. Mais pareil que Fate, mais dans l'autre sens, moi j'étais content que ça soit pas ça. Oh. Ah ouais, pourquoi t'en as marre de Rebels? Non, j'y arrive pas, j'ai du mal à Rebels. Ok. Moi, je suis à fond. Voilà, on va passer aux news avant de partir sur une émission complètement sur Star Wars. Attention, avec Faye, on peut. C'est possible avec Faye et Mathieu. Ah ouais, non, mais je vois du Star Wars partout. On peut tout annuler et parler de Star Wars. Non, c'est bon. Allez, c'est parti les news. Alors, je vais bientôt illuminer votre soirée. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez sauter de joie pendant 30 secondes. Parce que après 3 ans, et après ces deux merveilleuses saisons, et son injuste annulation, excusez-moi, la série de Cartoon Network Young Justice est enfin renouvelée. Et ça, c'est super cool pour une saison 3. Donc ça a été annoncé hier par le président de Warner Animation, Sam Register, qui a annoncé que avec toute l'affection des fans et toutes ces pétitions et ce relâche sur internet, ça a enfin marché. On va avoir droit à une saison 3 de Young Justice, et c'est vraiment cool. Bon, on n'a pas encore de date de sortie, ni de si ce sera encore sur Cartoon Network, parce que là-bas c'était sur Cartoon Network, mais on sait que ça va arriver bientôt, sous peu, et que Greg Wiseman et Brandon Vietti, qui étaient les showrunners de cette merveilleuse série, ils vont revenir aussi pour cette saison 3. Donc moi, j'étais très très très très très fan, c'est peu de le dire, de Young Justice. J'aimais vraiment cette série. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, Young Justice, c'était une série d'animés qui suivait les aventures des sidekicks de chez DC Comics. Donc Robin, le sidekick de Batman, Aqualad, le sidekick, excusez-moi, de Aquaman. Il y avait qui d'autre comme personnage? Il y avait Artemis aussi. Il y avait Artemis qui est un peu le pendant féminin de Speedy, donc qui est le sidekick de Arrow. Donc il y avait plein de petits personnages comme ça qui essayaient de faire leur propre Justice League. Et c'était vraiment une série vraiment de qualité, qui renouait avec la qualité d'une série comme Justice League, la vieille série des années 80. Bah, c'était pas cool. De Bruce Timm aussi. De Bruce Timm et de Paul Dini. Donc moi j'aimais vraiment, en plus avec une charte graphique assez cool qui est repris maintenant dans tous les films Warner. Donc c'est une série que je vous conseille vraiment beaucoup. Je sais pas si, est-ce que tu avais regardé Young Justice à l'époque? Pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Ok, c'est par pas contre, grave. Par contre, Greg Wiseman, qui est le scénariste de Star Wars Canon, tout se tient. Tout à fait. On va en caser partout. Si t'as aimé Canon, regarde cette série parce que les persos sont vraiment très très bien. Ouais, écrits. C'est super cool. C'est moi j'avais cool. Adoré rien que pour ça quoi. Bon d'accord. Donc c'est, mais sinon, non, j'avais pas regardé. Oui, t'avais mais pas oui. Regardé. Ah ben si oui, c'est du Star Wars like fonce, dedans. Fonce. Allez, ce soir on s'y met. Donc moi j'étais très fan. Je sais que t'as pas fini la saison 2, je crois. Si j'ai tout fini. T'as fini. Oui, ok. Oui. Et mais peut-être que Kid Flash reviendra. Peut-être. Ce serait bien. Attention spoiler. Donc voilà. Moi, je suis vraiment très content. Ça a illuminé toute ma journée. J'ai été content toute la journée depuis que j'ai vu ça. Et j'espère que vous aussi, depuis que vous l'avez entendu. Ouais. Et on va passer à une autre news. Et c'est Faye qui va nous parler d'une autre très bonne nouvelle. Oui, quand James m'a appris ça, j'étais trop heureuse. Car en fait, un représentant de la Michael Bay Production, cette magnifique société de production dirigée par un homme fantastique, qui aime beaucoup les explosions, a déclaré qu'il n'y aurait pas de Tortue Ninja 3. Mes amis, je suis heureuse. Étant fan du dessin animé des années 90 et des vieux films de la même époque, j'ai détesté ce qu'en avait fait Michael Bay. Et alors, le 2, c'était le pompon. Ah, c'est-à-dire qu'il y avait eu un 2, d'accord. Oui, il y avait un 2. T'as pas vu le 2 ? Si, non, j'ai pas vu le 2. Justement, le 2 n'ayant pas marché, eh ben, ils vont pas faire le 3. Encore, c'est très bien. Le 1 était sympathique. On va pas tirer sur l'ambulance, c'était pas génial. Mais c'était sympathique, ça se laissait regarder. Le 1 était regardable. C'était regardable, mais le 2. Le 2, mon expérience. En 5 minutes, je me suis sentie mal en tant que geek et en tant que femme, et en tant que fan de Tortue Ninja. Donc, en 5 minutes mais de film. Il n'y a pas le mec de Haro, il n'y a pas Kang. Si, pas, si, c'est non. Pas rigolo, c'est le seul qui s'amuse dedans. Il y a Bebop et Rocksteady, mais en fait, il pète. Et il rote. Ouais, non, mais en fait, c'est vraiment un film pour gosses. Si tu as 5 ans, c'est le meilleur film de la Terre. Mais si t'es un peu plus âgé, c'est mort. Je vais te dire, le Tortue Ninja 3 film est un chef-d'œuvre à côté. Et pourtant, ceux qui connaissent savent que c'est bon. Donc, Turtle in Time, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est un chef-d'œuvre. Je me souviens même plus. C'est pointu, là. Ah, c'est... Tu l'as vu ? Est-ce que tu n'es pas fan des films Tortue Ninja ? Non. En costume en latex ou... Les vieux trucs, là. Ouais. Les costumes, mais franchement, ils n'ont pas vieilli. Hein. Du premier film, je parle, parce qu'après, c'était Jim Henson, je crois, qu'ils avaient fait. Oui. Ah oui, et il y avait une série télé aussi où il y avait une tortue ninja femelle c'était très mal fait qui s'appelait Vénus de Milo. Ouais. Et j'en fais encore des cauchemars. Et puis il y avait le Noël des Tortues Ninja. Ah oui, je crois que le joueur du grenier en avait parlé. Oui, allez voir. Donc super nouvelle, moi je suis vraiment très contente qu'ils ne continuent pas dans cette lancée et peut-être qu'ils feront un reboot avec des vrais films. Mais il faut rester sur les films d'animation. Ils ont qu'à pas en faire et puis c'est tout. Ils ont qu'à pas en faire. À force de faire des reboots, tu auras bien un truc bien. Tous les 2 ans, de toute façon, ils réessayent. On verra bien. Une nouvelle série, peut-être animée. On va passer à une autre news. Et là, c'est Mathieu qui veut nous parler encore une fois d'élections. Et oui, donc on est en pleine semaine américaine. Et bien entendu, les Américains, eux, ils n'ont aucun scrupule à mélanger la vie politique avec un peu tout et n'importe quoi. Et donc, c'est Hillary Clinton elle-même qui apparaîtra dans un comics en guest star de la série Face, qui est la super-héroïne ronde de chez Valiant. Bien évidemment, ça fait déjà polémique aux États-Unis, c'est un peu le sport national. Pas mal de comic shops ne veulent pas vendre le comics en question parce que c'est de la propagande. Propagande, tout ça, machin. Et les petits malins de chez Valiant, ils ont prévu un peu le coup en disant petit coup de com quand même, parce qu'on sait, c'est quand même ça le principe à mon avis, c'est que pour chaque comics que va commander le comic shop, qui vont pouvoir vendre, ils vont en revoir un deuxième gratuitement. Donc c'est l'occasion peut-être déjà d'escamper un peu les stocks et puis de faire un peu de pub pour que comic shop revende ces trucs. Enfin bon, c'est à l'américaine quoi, ils font un show à l'américaine. Et donc c'est la semaine élection parce que même chez DC Comics aussi, ils se la jouent élection sur le titre Catwoman. Par contre là, ça sera pas du tout par contre les élections présidentielles, ça sera des élections dans Gotham où le pingouin brigue le poste de maire. Et ce qui a fait écho d'ailleurs à la série Gotham, maintenant que je réalise. Ah oui. Série Gotham live, c'est ce qui se passe. Ah ouais. Alors je sais même pas. Si si. C'est un double numéro avec un titre qui a été annulé il y a pas longtemps de chez Comic sur une gamine qui a des super pouvoirs, je sais plus comment ça s'appelle. The Rave ou un truc comme ça. Je l'ai pas noté. Mais voilà. Enfin bon, il y avait Catwoman et il y a la même chose avec The Rave. Donc ouais, et puis donc a priori c'est quand même assez plus coup de pub parce qu'il n'y a pas vraiment de prise de parti politique là-dedans, c'est plus voilà, je sais pas. J'ai lu 2-3 reviews et en fait c'est juste pour le titre quoi. Après à l'intérieur du comics, ils prennent pas de position, ils disent pas. De toute façon, les ricains ils sont connus pour profiter de tout dès qu'ils peuvent faire un peu de thunes. Ouais, mais il y a certains comics qui restent un peu politiques. Enfin, tu regardes Transmétropolitane, il y a quand même un sous-texte un peu politique ou. Oui, ouais. Même V for Vendetta qui est très très. Après c'est Moore, ouais, après c'est Warren Ellis sur Transmétropolitane. Ils sont peut-être, c'est des auteurs qui ont quand même plus politisé que Frank Miller aussi est politisé oui, pas dans le bon pas sens. Dans le bon sens, enfin ça dépend dans quel sens tu es, mais là voilà, pas trop à la mode en ce moment. Donc oui, là effectivement c'est plus c'est mainstream quoi, visiblement. Ouais, c'est dommage. Et on va passer à une autre, on je mets des guillemets, news. Donc Et en fait, on va vous parler d'un titre, enfin, pas d'un titre, d'un film qui est sorti il y a peu. On voulait en faire une émission spéciale, mais finalement, bah, comme c'était férié, on n'a pas pu vous en parler. C'était le film Doctor Strange qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il y a deux semaines, à peu près. Donc, on va vous donner vite fait notre avis, et puis après, on passera à la review. Donc, est-ce que tu veux vite fait. C'est absolument pas préparé, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu veux pitcher vite fait le film? Alors le pitch, eh ben, c'est un docteur qui est un neurochirurgien, enfin un grand docteur spécialiste qui opère des gens, c'est le meilleur et tout. Il a un beau sourire et puis il est marié à Meredith Grey. Ah non, excusez-moi, je me trompe de résumé. Mais c'est un peu la même chose, Docteur Strange, c'est un peu le docteur Mamour de Marvel. Et il a un petit accident de voiture qui fait qu'il a bobo à ses mains et qu'il ne peut plus exercer sa magie. Et parce qu'il tremble. Donc il va partir dans un voyage aux confins de je sais plus où là... Le Tibet, l'extrême-orient Népal, pour essayer de trouver un moyen de soigner ses mains. Et il va rencontrer l'ancien qui va lui faire découvrir des choses, n'est-ce pas, James? Ouais, magique. Ah, mais dit comme ça, ça fait envie. Ouais. Ah, t'as vu ça un peu? Après, quand tu vois le film, par contre. Beaucoup moins, mais ouais. Mais je veux pas trop développer pour pas spoiler, bien sûr. Alors, on va donner vite fait un avis. On va commencer par Mathieu. En 2-3 phrases, essaye de résumer ton avis. C'est la recette Marvel. Effectivement, c'est pas très très surprenant. C'est un bon divertissement. T'es avec 4 ou 5 potes, tu vas boire une bière, tu manges une pizza, tu vas voir Doctor Strange. Ouais, voilà. Sinon, pour les amateurs de comics qui sont un peu plus, voilà, pas connaisseurs, mais bon, qui aimeraient avoir un peu plus prise de risque, un peu plus de choses originales. Même les amateurs du cinéma, quoi. Oui, voilà, c'est quand même, c'est une origin story très basique. On découvre le personnage, on découvre le je sais pas ce qu'ils ont, cette manie de prendre de bons acteurs pour faire les méchants. Là, c'est Mads Mikkelsen, qui est quand même un bon acteur, aucun acteur n'est utilisé. Laisse Mathieu parler. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Le méchant est méchant, c'est simplement, il y a deux lignes. Benedict Cumberbatch dans Strange s'en sort bien. Rachel McAdams qui fait la caution féminine ne sert hélas à rien, la pauvrette. C'est quand même c'est basique. Voilà, j'ai oublié en fait ce qui se passe. Je me rappelle de 2-3 scènes. C'est 25% d'humour, 25% d'action, 25% d'émotion, un peu de dialogue et je t'emballe ça. C'est un produit de consommation. C'est la formule Marvel. Quoi. Visuellement, c'est très impressionnant. Faut avouer que la 3D est exceptionnelle. La photo aussi, ouais. Mais après, c'est Iron Man, c'est Ant-Man, c'est oubliable. Bah moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui est justement le côté illustration de la magie, c'était très impressionnant, on a même carrément une scène de délire psychédélique à un moment, je trouvais ça super bien fait, mais c'est pas assez exploité, j'aurais voulu qu'on exploite plus l'univers de Doctor Strange, et au final, bah oui, je te rejoins sur ce que tu as dit Mathieu, on retient pas grand chose, on a de l'humour, mais en plus qui insiste, qui est lourd. Ça tombe mal, ils insistent, genre, vous avez entendu, j'ai dit une blague là, attendez, je vais vous la redire. C'était même assez artificiel, autant dans Ant-Man, bon le ton est Ça passait mieux. Autant là, vraiment, t'as l'impression, oh putain, les gars, il y a une heure qu'on filme, faut qu'on fasse une touche d'humour. Quoi. C'est ça, et ils ont un très bon casting qui n'est absolument pas utilisé à ses capacités. Je veux dire, prendre justement un méchant. Mads Mikkelsen, qui va se retrouver dans Rogue One d'ailleurs, l'utiliser, je veux dire, c'est horrible. Le méchant, il est dans 2-3 scènes. Mais même Tilda Swinton, elle est. Pareil, c'est une très bonne actrice, mais. Et bah, son espèce de sidekick black là, pareil, j'ai complètement oublié le nom. Excellent dans Doucir Slave. Ah, tu mélanges le titre français. Ouais, voilà, je sais pas, elle est bilingue. Je suis trop bilingue, t'as vu ça. Très très bon dans tous les C'est pour faire plaisir à tout le Il était très très bon et là il est vraiment sous-exploité. Enfin, les persos sont pas très bien écrits. Et puis voilà, puis le scénario est des grosses ficelles en 5 minutes, tu sais tout quoi, tu t'attends à tout. C'est génial, le type il arrive au Tibet, vas-y, il rentre. Alors la magie c'est ça, il y a d'autres mondes qui existent. Alors j'ai eu un débat avec quelqu'un, avec Régis, si tu nous écoutes, tu sauras que c'est avec toi que j'en parlais. On est d'accord que le début du film, quand il a son accident, ça se passe après Civil War. Oui. Puisqu'il parle de. Rodney qui a eu son accident dans Civil War. Mmh. Et en fait, on est d'accord que. Alors, soit. Après, il se passe au moins 5 ans entre les deux, parce que le temps qu'il fasse son apprentissage, ça dure combien de temps ? Elle lui a dit il faut des années d'entraînement, mais on ne précise pas. Là, non, on dirait que. Ça veut dire que normalement, si on suit le délire, le prochain film, ça devrait se passer en même vers le moment où il se bat dans la fin, la fin de Doctor Strange. Donc il y a moins 5 ans qui doivent se passer entre les deux. Ouais, c'est magique, ils sont dans une bulle de temps, c'est comme dans Dragon Ball, là, le temps. C'est les fameuses 5 minutes de Freezer, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis, alors, je suis très déçue. Oui, il y a un autre truc. Oui. Bon, je ne vais pas spoiler. Il y a une référence à Thor Ragnarok. Donc, ça veut dire que Thor Ragnarok, se passe puisque la référence est sur la fin du film. Chut. Ça veut dire que Thor Ragnarok se passe 5 ans voire 6 ans après Civil War. Puisque c'est... Je me souviens plus de la fin. Je vois la scène de fin, je me rappelle. Bah oui, mais c'est la fin. On en parlera après. Oui, on en parlera après, on va pas spoiler. On ira le revoir. Ouais. Voilà. On parlait de la mention à Rodney. En fait, il y a un moment où il parle d'une femme, parce que c'est où ils disent, oui, c'est quand Dr. Strange doit prendre des cas pour bosser son truc là. Et ils disent, oui, il parle de Rodney en disant qu'il s'est cassé la colonne vertébrale. Et il parle aussi d'un autre cas, d'une meuf qui a un truc en métal dans son cerveau pour guérir sa schizophrénie et qu'elle a pris un éclair sur le crâne. Et Kevin Feige a dit que c'était une référence à... c'est Scott Derrickson qui a dit que c'était peut-être une référence à Captain Marvel. Ah. Donc. Pointu. Mais alors du coup, c'est lui qui réaliserait Captain Marvel ? Non, que c'était Marvel qui lui a dit, vas-y, fais une référence à machin. Mais tu vois, Scott Derrickson, je suis déçu parce que c'est un mec, il a quand même une patte, je veux dire, moi j'adore l'exorcisme d'Emily Rose, j'avais trouvé ça super bien. Ouais, c'était sympa. Après, bon, Sinister, ça m'avait un peu endormi, mais il y avait quand même une patte, et puis pareil, Délivre-nous du mal, il y avait une belle ambiance, un peu... Polar avec en même temps un côté démoniaque. Ouais, il y avait une enquête et tout. Et là, je trouve que le pauvre, on l'a mais vraiment. Moi, ce qui me pose problème, moi, j'ai pas donné mon avis, mais je suis du même avis que vous. J'ai vraiment trouvé le film. Enfin, le film est sympathique. Tu passes un. Voilà. Ça passe le temps, quoi. Un dimanche soir, tu t'endors. C'est un produit de consommation, quoi. Ouais. Tu vas le voir. Mais payer 16 euros pour le voir en IMAX. Payer 16 euros pour le voir en IMAX, moi, ça me ferait mal au cul. Parce que franchement, c'est le film qu'on a vu. C'est Iron Man, quoi. C'est le même film, tu revois encore une fois. C'est Iron Man 1. C'est Iron Man 1, encore une fois. Oui, c'est une origin story. À la limite, on en parlait il y a 2 semaines, on disait le comics. Je trouve que le comics est plus intelligent parce que Doctor Strange existe, c'est bon, c'est fait. Tu as escampé l'origin story en une page et tu vois la plupart des comics par les yeux extérieurs de cette fameuse femme qui vient le voir, dont j'ai mangé le nom. Oui, moi et là, pour le coup, tu te retapes encore. Tu le sais qu'il va avoir son accident. Il faut qu'il change un peu. Ouais, moi, j'en ai marre des origin stories. Oui, alors après, encore une fois, il me semble qu'il a fait l'un des meilleurs démarrages des films Marvel ces 5 dernières années. Le 10e, j'ai vu. Et du coup, ça marche et ils vont continuer sur le même. Bien sûr, Suicide Squad est raté, il a fait quasiment 700 ou 800 millions de dollars à l'international. Point, c'est tout. Voilà, parce que les fans vont le voir, les gens qui sont plus populaires, qui aiment les blockbusters, vont le voir, mais ils critiquent après, mais ils vont le voir quand même. Si les gens se disaient, ok, on va tous se mettre d'accord, on va pas y aller, on va boycotter, là, ça les ferait peut-être réfléchir, mais ça arrivera jamais. Il y a un problème dans l'industrie du cinéma. Encore une fois, je suis pas d'accord qu'il y a un problème, ils font énormément d'argent. Oui, ils font de l'argent, mais... C'est le but. Mais enfin, est-ce que le cinéma, quand tu fais du cinéma, est-ce que le but c'est de faire du fric ? À l'heure actuelle, Hollywood, bah oui. Bah oui, mais Hollywood, moi c'est pas ça que ça a toujours été. Je voulais pas en parler, mais il y a une news qui est sortie il y a pas longtemps. Bon, c'est à prendre avec des pincettes. C'est Bret Easton Ellis, je sais pas si vous le connaissez, c'est l'auteur de American Psycho, ce genre de film. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi d'autre ? Enfin, c'est un auteur qui est proche de l'industrie du cinéma et qui est proche notamment de certains producteurs de chez Warner. En fait, il a dit en interview, après il est revenu sur ses propos, donc faut, encore une fois, ça prend au conditionnel. Il a dit que certains producteurs de chez Warner avaient lu le script de Batman et est allé voir les exécutifs de chez Warner. Leur dit, il y a telle erreur sur le script, il faudrait le corriger parce que ça va pas marcher, c'est problématique. Et le mec de chez le patron de chez Warner a dit, de toute façon, moi je m'en branle. Ça va se vendre comme ça va se vendre tout seul. On va le vendre en Chine et c'est clairement c'est ça, l'Eldorado maintenant c'est en Chine. Doctor Strange se passe à Hong Kong, le film Avengers se passe une partie en Chine, ils vendent là-bas. Il y a un gros film américain qui sort tous les 3 mois, les mecs ils y vont par paquet de 12, le mec dit oui, ça va être regardé par des gens qui parlent même pas anglais, donc moi je m'en bats les couilles et il y a des problèmes de scénario, je m'en fous. Donc moi je pense que c'est problématique et que c'est symptomatique de l'industrie du déjà, cinéma. Déjà aussi, après la façon dont il s'est excusé, il est revenu sur ses paroles en disant que non, il avait parlé avec des gars, qu'il avait raconté l'histoire de d'autres gars qui avaient entendu. Ouais, que, non mais ça sent trop, vous voyez, il y a vraiment un gros problème de communication. Après, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça nous touche peut-être nous un peu plus parce que c'est le médium comics. L'époque des footage, il y a eu Blair Witch qui a super bien marché, après on a eu 150 titres qui étaient complètement pourris, et puis tu remontes même 20 ou 30 ans en arrière, t'as avait les péplums, c'était voilà, tu avais 200 péplums. Mais le problème, c'est qu'avant, il n'y avait pas Internet, donc ça se savait ça, moins, ça les, moins les choses qui se passaient dans le studio. Maintenant, tout se sait. Moi, je pense qu'il faut des vrais auteurs à la tête de ces films-là. Et, mais bah, le, voilà, le problème, c'est que le cinéma, avec maintenant, vision, les gens qui ont les studios à Hollywood, ce ne sont pas des passionnés, ce sont avant tout des businessmen. Ils veulent faire donc, du fric. Ils regardent en matière de chiffres et pas en matière de, là, très de talent. Très sincèrement, ces derniers temps, si tu vois un peu de qualité, j'ai l'impression qu'il faut vraiment switcher sur la série télé. Ouais, tu veux voir un truc ouais, un peu gothique, un peu épouvante, t'as Penny Dreadful qui est formidable. Ils prennent des risques, ils n'hésitent pas. Visiblement, Westworld, c'est vachement bien, j'ai pas commencé. Tu vas voir ouais, l'Heroic Fantasy, c'est Game of Thrones, la bataille des bâtards, exceptionnelle à regarder. Mmh. Même en termes de super-héros, quoi, le Daredevil et Jessica Jones, pas d'en dessous. Ça va, quoi. Shonda Rhimes aussi, c'est très bien, tout ce qu'elle fait. Bon, j'en enfin, profite, on va, voilà. C'était le petit coup de gueule. N'allez pas voir Doctor Strange, je pense. Attendez que ça sorte en Blu-ray. Tu poses le cerveau et tu y vas. Après, si vous avez une réduc à IMAX ou qu'on vous l'offre, profitez-en, voilà, parce que quand même la mise en scène de la magie sur IMAX, c'était la 3D marche pas. Prenez contre, la VF cibière. Est ignoble. Voilà. La VF ah oui, est ignoble. Alors, évitez la VF. Enfin bon, on va passer à la première pause musicale. Donc c'est Make Me Wanna Die de The Pretty Reckless. Et en fait, on m'a dit après que c'était un groupe. Enfin, on en parlera. La leader du groupe était dans la série Gossip Girl. Voilà, donc c'est un peu. Tout ce qui. Ah non, il y a pas Star Wars, là, c'est nul. On passe. Enfin bon. Le son est sympa, donc allez-y et je vous laisserai deviner de quel titre, de quel film c'est tiré. La Grande Vadrouille. Camping 3. Make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. calm down. Donc c'était Make Me Wanna Die de The Pretty Reckless, donc de la chanteuse qui était dans Gothic Girl. Ouais. Cette référence est vraiment nulle à chier. Qui faisait Jenny Humphrey. Ouais, voilà. C'est trop pointu. C'est trop trop pointu. Et c'était dans Kick-Ass, le film. Donc voilà. Et on va passer à la review. On va vous parler de Rebel. Rebel qui est sorti vendredi dernier chez Urban. D'ailleurs, on remercie Urban de nous avoir donné accès au PDF. C'est gentil. Ouais, ça c'est sympa, effectivement. Ouais, ouais. C'est gentil de leur part. Donc. Du coup, on l'a pas acheté, c'est ça que tu veux. On l'a pas acheté, oui. Mais on en parle, on est des professionnels. Ouais, on en parle. On en parle bien, peut-être, mais on en parle. Ça, ils ont pas dit sur le contrat, ça. Ils nous ont pas demandé. De quoi qu'est-ce que ça parle, Rebels ? Est-ce que, Faye, tu vas être la Miss Peach ? Non, on a dit que c'était pas moi. Ah bah, vas-y. Vas-y. Fais-nous un petit pitch et parle-nous du scénario, pitch. Vite fait. Je fais que le pitch ou j'envoie tout derrière le scénario. Vas-y, voit tout. Allez, on voit tout. J'ai mes notes dessous. Parler du scénariste de Minute, Brian Wood, qui est connu éventuellement pour les lecteurs de comics pour Northlanders, DMZ, The Massive. Il a fait un peu de Star Wars, c'est la caution, je suis obligé, je suis désolé. Tu l'as lu, DMZ, toi ? Oui. C'est bien ou pas ? C'est vachement bien. Ok, bah je jetterai un œil. J'en parlerai, à la limite, j'en parle juste à un moment donné, là, parce que tu vois, c'est super organisé. Quoi. Ok, vas-y. Il a fait un peu d'X-Men aussi, ça c'était moins bon, par contre. Un petit salut à l'édition française d'Urban. Je connais pas l'édition américaine, mais l'édition française est vraiment impressionnante. Il y a une préface, il y a une postface, il y a beaucoup de choses aussi pour ceux, si jamais vous aimez les dessinateurs, où on voit leur travail petit à petit, ouais, l'ancrage. Ouais, il y a pas mal de bonus. Il y a pas mal de bonus comme ça. Et alors j'en parle parce que je trouve ça super intéressant en général d'avoir le pourquoi du comment. Comment est-ce que le scénariste est arrivé à faire ce comics-là ou cette œuvre-là de manière générale ? Et là, Brian Wood nous en parle. Il est né dans le Vermont, qui est un état du nord-est des États-Unis, où visiblement la révolution américaine a eu une grosse empreinte historique. Il y a eu quelques batailles, il y a quelques lieux comme ça un peu célèbres, et donc ça a baigné sa jeunesse. D'autre part, il se définit lui-même comme étant un patriote, alors pas dans le mauvais sens du terme. Patriote, il est capable de reconnaître les erreurs de son pays, mais il le défend quand même. D'ailleurs, il est plutôt de gauche, Brian Wood. Et du coup, il a eu envie, il a une pile comme ça chez lui de pitch comme ça qu'il a envie de faire un jour ou l'autre dans les comics, et il avait envie de raconter cette période donc, qui a marqué sa jeunesse de l'histoire américaine, rendre un peu hommage à ce moment-là où les États-Unis, qui étaient sous protectorat anglais, sont devenus une vraie nation, avec tout ce que ça entraîne de « le futur est à nous, est ouvert, on est indépendant » toutes les capacités que ça peut entraîner. Et donc il veut raconter cette période-là à travers, non pas à travers des personnages un petit peu connus, mais des personnages souvent jeunes qui sont jetés un petit peu dans cette période chaotique. Et en fait, c'est le vrai personnage, grosso modo, vraiment, de Rebelle, c'est ça. On est à la fin du XVIIIe siècle. C'est les prémices de la révolution américaine contre l'Empire anglais. Et différents personnages, 4 ou 5 personnages qui vont graviter autour de cette situation-là. Alors c'est déjà peut-être un petit bémol, moi, que je mettrais, c'est que mine de rien, c'est très pointu, notamment géographiquement parlant. Il y a pas mal de lieux, de sites, de noms de batailles. Moi, j'étais un peu perdu. Alors tu peux suivre le récit sans connaître Tikatonga, les forts et ce genre de trucs-là, mais il faut reconnaître que j'ai quand même l'impression de passer parfois à côté de certaines références, notamment, il y a à un moment donné un passage du comics, pardon, où ils sont censés transbahuter, je vais y arriver, des canons de tel endroit jusqu'à Boston. Ça a l'air énorme, sauf qu'effectivement les références géographiques, on les a pas forcément. Oui. Du coup ça perd un peu de sa puissance, tout ça. C'est peut-être un petit peu pointu pour nous franchise. Mais voilà, le principe, c'est vraiment de montrer la vie à ce moment-là, la vie de ces jeunes qui sont fermiers, qui s'engagent dans... Voilà, le moment où ils basculent en fait dans une vie de fermier un peu classique, où ils doivent prendre les armes pour défendre leurs intérêts face à l'envahisseur, c'est vite dit, face aux Anglais. Mais il y a un peu de tout, il y a effectivement tout ce côté un peu chaotique, combat, milice, organisation, mais on voit aussi toute la vie de l'époque qui était pas facile, notamment encore une fois un passage où... La femme d'un des héros qui a 17 ans doit tenir la maison pendant que son mari va se battre pour d'autres États, ouais. États contre les Anglais. qui doit assurer l'approvisionnement en bois, qui doit tenir la maison, qui doit la défendre contre les pilleurs et compagnie comme ça. Et donc c'est, voilà, c'est une tranche de vie, c'est quasiment un biopic. Il y a plusieurs personnages qui se succèdent dans le comics, qui est assez, le volume est assez gros, c'est l'équivalent de 10 numéros US. Il y a donc le fameux fermé qui se jette dans la milice. Ou 7, je ne sais plus comment. 7 Abbott. Ouais, 7 Abbott. Il y a un autre personnage qui représente ça, pour le coup, toutes les femmes qui participaient au conflit, quelque chose d'assez symbolique, qui était aide de campagne, donc qui était souvent derrière les soldats, mais qui finalement, historiquement parlant, prenait souvent part au combat aussi. Il y a un numéro que j'ai trouvé assez émouvant là-dessus. Il y a la jeune révolutionnaire qui tente de bouger les masses, encore une fois, contre les Anglais. Il y a le rôle des esclaves, il y a les Indiens, et il y a même l'Anglais typique qui se retrouve loin de chez lui, un peu jeté en pâture dans ce conflit. Dans ce conflit, ouais. Et donc ça m'a beaucoup rappelé ce qu'a fait Brian Wood, notamment sur Northlanders, qui est un peu le même principe, sauf que c'est période viking, où on a pareil plusieurs personnages. C'est un bon moyen quand même d'enrichir un peu la période, de montrer différentes facettes de ce qui se passait. En filigrane derrière, tu as quelques événements importants, des grandes batailles, le moment où les milices deviennent l'armée continentale, et ça va pas forcément jusqu'à la déclaration d'indépendance, parce que c'est peut-être un petit peu avant, mais voilà, c'est vraiment tout ce principe-là. Par contre, c'est pas du tout politisé. C'est assez soft là-dessus, contrairement justement à DMZ, donc c'est cette série qui se passe dans un New York fictif, dans un futur proche, où il y a la deuxième guerre civile américaine, où là pour le coup Brian Wood montre du doigt vraiment les faiseurs de guerre que peuvent être les gouvernements, les soi-disant rebelles et les médias tout mélangés. Donc là c'est pas du tout politisé, c'est vraiment voilà, une tranche de vie de ce qui se passait aux États-Unis dans le Vermont au 18e siècle. Et donc il faut reconnaître que ça parle effectivement peut-être plus aux Américains, ouais, aux Américains qu'à nous. Ce que Faye disait. Ouais, c'est pas trop. C'est ça en fait, d'accès. Si on aime l'histoire, on va peut-être s'y intéresser. Mais si vraiment on n'est pas amateur, franchement ça va pas. C'est pas facile. Alors après, par contre, j'ai bien aimé la narration, c'est-à-dire que c'est très efficace. Il y a pas mal de passages où il n'y a pas de dialogue. C'est vraiment du descriptif, la forêt enneigée, un village, une bataille. Il n'y a même pas forcément d'introduction du genre nous sommes à tel endroit. Ça aide quand même pas mal à se mettre un peu dans l'ambiance. Mais par contre, là où j'ai trouvé un peu curieux, c'est la rythmique, c'est-à-dire que vous avez la première partie du volume qui est sur un arc assez conséquent, avec donc ce fameux Seth Abbott qui est ce fermier qui se jette dans la milice. Et la deuxième partie du volume, c'est des séries beaucoup plus courtes, sur un personnage et même parfois un peu expédié. Je dirais des tie-in en fait, le truc qu'il a voulu passer. Alors j'ai pas, encore une fois, ça rappelle beaucoup ce qu'il a fait sur Northlander et DMZ, sauf que c'est deux séries qui se passent sur 50 ou 60 numéros US. Là on en a que 10. Alors est-ce que l'éditeur, est-ce que c'était prévu à l'origine, ou est-ce que l'éditeur américain a choisi de finir la série là? Mais du coup voilà, vous avez, en termes de lecture, c'est assez curieux, vous avez un gros pavé et derrière des trucs un peu rapides. Mais c'est super déséquilibré et c'est dommage parce qu'il y a des histoires que j'ai pas les mêmes dessinateurs en plus. Oui, c'est pas les mêmes dessinateurs. Enfin, c'est pas forcément très homogène. C'est curieux comme ce qui a été fait. Moi, notamment là, peut-être le récit j'aurais aimé vraiment qu'il développe, c'est l'anglais qui part d'Angleterre, qui se retrouve déraciné, ouais. Qui se retrouve dans une boucherie totale. Fanatisé totalement par le roi, la reine, t'as, et le t'as royaume. T'as une idée anglais. Intéressante, t'as l'impression que les ennemis, ils les voient comme des espèces de zombies en quelque sorte, oui, un truc terrifiant. C'est vrai. Mais c'est pas du tout exploité. Et au final, ce récit-là, il reste pas, quoi. Tu le passes non, vite. Non, tu passes un peu vite, ouais, effectivement. Mm. Même celui sur l'esclave black, pourtant. Ouais, pareil, tu dis, mais. C'est 4 pages, c'est un bonus, alors qu'ils ont. Leur rôle dans cette période-là est même assez intéressant. Mm. Les Indiens aussi, c'est assez basique, et là, ce qui se passe, une basique histoire d'amitié. Et puis ils sont obligés de se battre l'un contre l'autre à la fin. Mais moi ça me donnait vraiment l'impression, parce qu'en plus Brian Wood il a eu assez d'ambition dans son découpage, c'est-à-dire que ça commence avec livre 1, livre 2, livre 3, t'as l'impression qu'il voulait vraiment développer quelque chose de très gros, parce que t'as énormément de récits à faire. Mais ça se termine là. Alors est-ce que ça va, je crois que ça s'est terminé en début d'année aux États-Unis, est-ce que ça va reprendre après sur le tome? Il n'y avait pas de 1, 2 ou 3, donc moi j'ai peur que ça soit. Si, il y avait livre 1, non mais sur le tome en lui-même, oui, non, il n'y avait pas. mon avis, c'est un one shot. Moi, franchement, enfin, je suis pas étonnée parce que dans ce type de récit-là, quand tu as différents persos, il faut que les personnages ils soient accrocheurs, qu'ils aient du charisme pour toucher les gens et qu'on s'intéresse à ça. Et là, les persos, moi, j'ai pas réussi à me lier à eux. J'aime bien me lier un peu aux persos. C'était pas très fort en émotion. Et genre 7, mais j'en avais mais rien à carrer de sa vie. Sa femme, pareil. Déjà que les persos féminins, ils sont absolument pas développés, comme je te disais. Je veux dire, la femme de 7, à part râler qu'elle doit tenir la maison, rien, alors que ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus de développement. Pareil, la femme qui aide son mari au combat, qui se fait chier et qu'à la fin on lui dit qui est traitée injustement et puis voilà, il n'y a pas de développement et tout. J'aurais voulu plus de développement sur elle. Pareil, justement, la fille qui faisait de la propagande et compagnie, ouais, c'était basique un peu, le ouais. truc de début, tu te dis ah, ça peut être intéressant et puis c'est fini, tu fais quoi déjà. Mais après ça me surprend vraiment de Wood, parce qu'encore une fois, sur ses autres titres DMZ et North Cylinder, je reviens là-dessus, il lance souvent des personnages comme ça dans des récits courts que tu vas recroiser un peu plus loin, et moi j'ai vraiment l'impression de lire le début d'un grand quelque chose et qui n'est pas fini derrière. Alors c'est bon, ça reste bien écrit parce que c'est un bon scénariste Brian Wood, mais je reconnais que voilà, le sujet en lui-même est peut-être pas forcément j'ai pas été pris dedans. Et encore une fois, c'était quand même, autant Northlander c'est période viking, donc c'est pas encore du tout quelque chose de franchise, mais t'avais moins de ces références géographiques, c'est quelque chose que tu pouvais plus te rapprocher. Ça rappelle beaucoup la série Viking d'ailleurs, c'est un peu le même principe. Est-ce que tu peux nous parler vite fait des parce qu'on va manquer de temps, on parle trop, c'est ça, oui. Est-ce que tu peux parler vite fait du dessin? Ouais, alors le dessin, moi j'ai trouvé que ça faisait pas très comics. Il y avait vraiment, moi ça m'a fait penser plus à du franco-belge genre Blueberry, et aussi à des vieux dessins justement de propagande, de choses comme ça. Et on a un dessin qui est assez brouillon, c'est-à-dire que les visages sont pas assez détaillés à mon goût, je trouve. Et déjà que les personnages sont pas charismatiques, et ben le fait qu'ils soient pas assez détaillés, au bout d'un moment on sait plus qui est qui. L'accent est peut-être plus mis sur les décors. Et ouais, alors les décors, on a des grands plans qui sont assez contemplatifs et tout, qui peuvent vous faire penser en matière de cinéma, par exemple à The Revenant, pour les grands les grands trucs. Mais par contre, tout ce qui est scène d'action et tout, j'ai trouvé ça assez figé dans la construction des cases. Je trouve qu'ils auraient pu faire un montage de cases un peu plus dynamique. C'est très académique. Ouais. Voilà, très très académique. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la colorisation, qui donne vraiment un côté très très sépia, très ancien. Et on a vraiment l'impression de regarder des vieilles illustrations, enfin comme un livre d'histoire en fait. Et je trouvais que ça se mariait bien avec tout l'univers. Et c'est ça qui m'a le plus touché. Je trouve que c'est ce qui est le plus réussi en fait. Ok, je vais faire un petit tour de table sur l'avis. Enfin, moi j'ai donné vite fait mon avis. Après, je sais pas si sur le dessin vous voulez rajouter autre chose, vous êtes les spécialistes. C'est André Amouti qui dessine la. Tout à fait. On n'a pas dit. Alors, il y a plusieurs dessinateurs. Il y a Andrea Amouti donc, qui a travaillé sur DMZ, sur du Star Wars apparemment. Voilà, c'est ça que je voulais arrêter avec Star Wars. Et du Wolverine. Après, on a Matthew Woodson. Alors, lui, je n'ai absolument pas trouvé d'informations. J'essaie de chercher. Donc, si quelqu'un connaît. C'est un petit jeune qui débute. Voilà, on a Ariella Cristatina qui a fait du Wolverine. On a Tristan Jones qui a bossé sur des séries à licence Ghostbusters, Tortue Ninja et Silent Hill. Voilà. Et la coloriste que j'ai beaucoup aimée, c'est Tula Lotte. Alors je ne connais pas trop, je suis allée voir un peu sur internet. Apparemment, elle a bossé sur des titres comme Supreme Blue Rose de Warren Ellis, apparemment. Okay. Voilà, et un truc qui s'appelle Sword of Shadow, je crois, comme ça, et un autre qui s'appelle Bodies, qui a l'air d'être assez pin-up en fait dans l'univers. Ok. Et moi je vais te donner mon avis. Moi je suis un peu peut-être de l'avis de Faye. J'ai eu du mal à rentrer dans. Déjà que le sujet me parle pas trop. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je connais pas trop. Et j'étais un peu perdu dans l'histoire. Il y avait plein de. Enfin, il y avait plein de moments où je me dis putain, là ça doit être une référence. Ou un personnage, lui, ça doit être quelqu'un de connu, quelqu'un de. Enfin, qui a vraiment existé. Parce qu'il le mettrait pas comme ça. Et j'avais pas les références. Je crois que ça m'a fait un peu le même effet que. Bon, pour reparler de cinéma, que Ali, qui balançait plein de références comme ça et en fait t'es perdu dans, si t'as pas la culture t'es perdu dans le truc, tu sais pas de quoi il parle et ça tu dis le film est peut-être bien et là le comic c'est bien, mais moi ça me parle pas, ils font pas l'effort de te mettre dans le truc. Et après ouais, c'est vrai que les personnages sont pas super bien écrits. Enfin, je me suis pas accroché au personnage de Seth, je m'en foutais un peu de sa vie et voilà. Pour être sincère, je crois que j'ai fini le bouquin juste parce que fallait lire pour l'émission. Je pense que souffrance. Pas en souffrance, parce que c'est pas. Quel professionnalisme. Voilà. C'est pas désagréable à lire, mais non, voilà, c'est pas. Je l'aurais pas. Je pense que j'aurais lâché le tome si c'était. Ça m'aurait fait chier de l'acheter. Voilà, je pense que je l'aurai. Après, ça reste quand même encore une fois un beau volume éditorialement parlant, mais je reste vraiment circonspect sur la construction du truc. Ça me paraît curieux qu'il ait laissé tomber. Là, je voulais chercher des news, savoir, parce qu'à la base, j'ai cru lire que c'était une ongoing, donc ça allait continuer. Mais je crois pas. Ce qui s'est passé. On vous dira sur ouais. Facebook. On essaiera de trouver quelque chose. C'est vraiment étrange comme. Peut-être ton avis vite fait sur l'ensemble. Alors, comme tu dis, je suis d'accord, le volume est assez beau, il y a des belles notes, des choses comme ça. Après, si on est féru d'histoire, là, je vais vous le conseiller. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas très comics, mais que vous êtes féru d'histoire, vous pouvez le lire, il n'y a pas de problème, c'est intéressant, c'est quand même un sujet qui est intéressant. Mais par contre, c'est vrai que si on n'est pas donc, fan de ce type de récit, si on n'a pas un bon personnage derrière pour lier un sentiment, enfin, pour se lier à ça, on va très vite sortir du volume, en fait. Moi, j'ai besoin d'être lié au personnage pour ressentir ce qu'il ressent, pour rentrer dedans. Et si j'ai pas ce lien-là, bah ouais, je vais rester un peu en dehors. Là, peut-être pour nous, effectivement, ça fait partie de ces comics où il faut peut-être faire un effort supplémentaire. Moi, j'ai très, de temps en temps, en le lisant, j'ai tapé sur Internet 2-3 références. Et c'est vrai que c'est construit, c'est creusé. Alors, peut-être pas les persos principaux, mais les persos de deuxième, secondaire, ils ont existé. La partie historique est bien faite. On voit qu'ils ont fait des recherches, qu'ils ont bien traité leur sujet. C'est ce que tu me disais quand on en parlait, c'est que c'est un comic, c'est très américain, en fait. Oui, ouais, alors après, Brian Wood l'a dit, hein, c'est ça qu'il voulait faire. Quoi. Mais ouais, peut-être, si jamais la période t'intéresse, c'est intéressant. Intéressant du coup de le lire mais et de faire 2-3 recherches à côté. Moi j'avais très rapidement fait ça pour DMZ encore une fois qui se passe à New York dans le futur. Pareil, tu as des références géographiques et pour le coup je me souviens des fois quand je lisais je me mettais Google Maps et je regarde le plan de New York et je regardais où étaient les personnages. C'est bien ça d'apprendre comme ça et justement pour les gens qui ont un peu plus de mal, c'est là qu'un personnage intéressant auquel tu vas te lier ou charismatique, ça va te donner envie de continuer. Oui, ce qu'il y a dans DMZ. Voilà, et c'est ça qui manque. Et eh ben on va passer à la deuxième pause musicale et c'est Faye qui a choisi le morceau. Oui, c'est Eurythmics, j'arrive pas très bien à prononcer mais tu m'as compris. Eurythmics, et, ça. Ouais, voilà, merci. Et la chanson c'est Sweet Dreams. Et encore une fois, on vous laisse le temps de la chanson pour savoir dans quel film il était. Et il était dans mon enfance. À tout de suite. Made up. Et donc c'était Sweet Dreams de Eurythmics, choisi par Faye. J'assume pas du tout cette chanson, personnellement. Oh, mais elle est très bien, c'est un beau symbole des années 80, quoi. Et vous êtes toujours sur le 102.2 sur Radio Campus Montpellier et sur Internet pour les gens qui nous suivent, qui ne sont pas sur Montpellier. Donc on vient de vous parler de Rebels, sorti chez Urban Comics. Et maintenant, on va vous faire notre petit coup de cœur, nos petites attentes hors comics et dans le comics aussi, pour conclure. Et on va commencer par Faye. Oui. Tu veux que je commence par quoi ? Par l'info groupée qu'on attend toute la... Non, bah commence par ton non. truc. Alors mon petit coup de cœur hors comics, ouais. Et bah, c'est que cette semaine, il y a, en fait pour les personnes qui suivent en direct grâce à leur oncle des États-Unis, il y a le final de mi-saison de Off to Get Away with Murder. C'est super long à prononcer. C'est une excellente série de Shonda Rhimes que je vous conseille. Voilà, qui est très très bien écrite avec Viola Davis qui était dans Suicide Squad, que j'idolâtre. Donc ça reste dans le. Ah, mais c'est une putain d'actrice, excusez-moi de dire ça. Bon. Cette fille est énorme. Vous avez une histoire qui est très bien construite, des persos charismatiques. Et à chaque épisode vous met, excusez-moi de vous le dire, le cul par terre. Donc j'attends ça avec impatience. On mettra un bip. Ah non, on peut pas, tant pis. C'est pas grave. Le bip. Bah moi je vais vous parler de mon attente perso, c'est Dragon Quest, enfin c'est pas une attente, c'est un coup de cœur plutôt. C'est Dragon Quest Builder que j'ai acheté récemment, et c'est une espèce de Minecraft, mais avec Dragon Quest, donc avec tout l'univers Dragon Quest, une histoire, et en fait vous êtes un bâtisseur, donc vous devez bâtir un village dans un monde dévasté par les monstres, et en fait au fur et à mesure vous avez des villageois qui vont vous revenir, qui vont venir habiter le village avec vous, et il va y avoir une espèce de gestion de village, de créer créer des bâtiments et tout. Et vraiment, j'ai super accroché à ce jeu, j'y ai joué tout le week-end, et moi je vous le conseille vraiment. Bon, si vous aimez Dragon Quest, c'est un peu mon cas, il y a plein de références à l'univers de Dragon Quest, vous retrouvez plein de monstres que vous retrouvez dans les RPG, il y a vraiment le design un peu à la Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. C'est lui qui l'a designé aussi. Oui, c'est lui qui a designé. Enfin non, peut-être pas ça. Peut-être pas ça. Comme c'est lui qui a designé tout Dragon Quest, on voit un peu sa touche. Donc moi je vous le conseille vraiment, c'est assez sympa. Et on va passer à Mathieu. Oui, moi je vais rapidement parler d'une éditrice qui s'appelle Karen Berger, qui est une éditrice culte qui a travaillé chez Vertigo, qui a même lancé le label Vertigo, donc qui est le label pour les comics mature reader chez DC Comics, qui a sorti Sandman, Preacher, Hellblazer, Transmétropolitan, Y le dernier homme, Fable, enfin toute une partie culte des années 90 et début 2000, qui s'est séparée de DC Comics en 2013 un peu avec fracas, et qui revient là cette année avec un comics qui s'appelle Surgeon X. En tant qu'éditrice, je sais même pas de quoi ça parle, mais j'achète. Je cherche même pas à comprendre. Elle est juste éditrice, elle est juste éditrice, mais voilà, cette femme, c'est l'une des femmes les plus influentes du monde des comics récents. Voilà, c'est un Take My Money, je cherche même pas à savoir. Ouais, elle a un goût sûr, quoi. Oui, voilà, vu les comics qu'elle a sortis et les artistes avec qui elle a travaillé, je ferme les yeux. Donne. Mais est-ce qu'elle aime Star Wars ? C'est important. Alors, transition, j'en sais rien, mais effectivement, autre attente en commun avec Faye, c'est la sortie bientôt du roman Catalyst, qui est un préquel à Rogue One. Ils vont me faire chier jusqu'à la fin. Voilà, on est obligé de le caser, c'est obligatoire. Ah oui, c'est obligé. Et puis cette semaine, demain, sort le tome 3 de Star Wars et de Darth Vader. Darth Vader, la guerre TPG. De Shooter. C'est le dernier tome, ça y est ? Non, après, il y a le tome 4 qui doit sortir, je crois, l'année prochaine ou en fin d'année, il me semble. Il y a Podamron qui doit sortir bientôt aussi. En parlant de Star Wars, il y a notre petite copine Frenchie Elsa Chartier qui va faire une couve pour Star Wars. J'ai vu deux trois images et c'est assez sympathique. Ah, mais je la veux, il faut trop que j'arrive à la choper pour qu'elle me la dédicace. Ah, la variante. Je crois que c'est une variante. Ouais. Je sais pas si c'est une. Si, c'est une variante. Star Wars, ils font des variantes. Oui, c'est sur une variante justement du prochain comics dont on avait parlé en news. Mais d'ailleurs, si vous avez envie d'habiller vos murs, elle a sorti un Etsy, donc c'est une espèce de e-shop où elle sort des prints à vraiment pas cher et vraiment cool. 10 euros le print, franchement, pour du beau Elsa Chartier, c'est vraiment. En fait, t'es engagé par Elsa Chartier pour faire ça. J'aimerais bien. Donc, je lance un message si tu nous écoutes, Elsa. Sans doute, oui. Ouais. Et ben, je ferai ta pub si tu veux, gratuitement. Mais qu'elle vienne dans l'émission, ça. Ouais, un jour, on l'invitera. Il y a moyen d'avoir une petite interview avec une dessinatrice très très talentueuse et son chéri qui scénarise Pierre Collinet, qui est aussi très très talentueux. D'ailleurs, si vous voulez voir une interview d'eux, et ben, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Amicale du Geek, où vous retrouverez une interview qu'on avait fait d'eux à la Lyon Comic Con, donc à Lyon, comme le nom le dit. Tout à fait. Et voilà, je crois que c'est tout. On va conclure sur ça. Pour la conclusion et pour le dernier morceau, j'ai choisi encore un morceau de Kick-Ass et c'est. Et tu as oublié de rappeler, James, que tu cherches des gens pour nous. Oui, mais c'est pendant ma conclusion. Voilà, vous bah l'entendez. Oui. C'est Stand-up. Je l'ai nommé. Stand-up de Prodigy. Et donc, bah, comme vous l'avez vu, on est en petit groupe. Donc, si vous avez envie de rejoindre l'émission et si vous aimez les comics, que vous êtes sur Montpellier, que vous êtes libre le mardi à 18h, et bah, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à comicsdiscovery@gmail.com ou même sur Facebook, parce que nous sommes sur Facebook. Et nous sommes sur Twitter aussi, donc rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper Comics Discovery, tout voilà, simplement. Voilà, Comics Discovery. Et si vous voulez rejoindre l'équipe, bah, envoyez-nous un mail ou envoyez un message. On fera des auditions comme The Voice avec des fauteuils qui tournent et tout. Donc on est gentil, on ne mange pas. Non. Donc voilà, si vous pouvez même venir de nous radio, parler sur Twitter, nos Twitter personnels, ouais, et tout ce que vous avez envie. On est en train de bosser sur l'Amical du Geek, donc notre chaîne YouTube, comme je viens de dire. On est en train de bosser sur peut-être un possible geek en série, donc parler de série. C'est possible, ça va être un je vais peut-être ça bientôt peut-être être le retour des vidéos sur les comics. Je suis en train de réfléchir à une formule en vidéo et bientôt les vidéos. Ça fait un moment qu'on n'avait pas sorti grand chose. On y est enfin, on se sort les doigts du cul et on le fait. Je pense que c'est tout. Oui. Voilà. On va vous laisser sur ça. Bonne soirée. C'était et bien. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Pour ciao. Star Wars. Ah bah oui.